بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahu Allah ta'ala. Dixième leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Aywa fa fi درس الأمس ماذا أخذنا؟ رد على ماذا؟ أيوة مثل قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخره الآية. Gratifié le fils d'Adam. Nous avons transporté sur les terres et les eaux jusqu'à la fin du verset. Et le sens voulu par ce verset, c'est quoi? Dis. Abriz ma'indak. Nous avons certes honoré les fils d'Adam, il n'a pas dit les mu'minin. Toi, tu es sur le verset d'avant, toi. Ce verset qu'on vient de citer là à l'instant, là, c'est le tamiz baina bani Adam ou le haywanat. Que Allah honorait les êtres humains par rapport aux animaux. Mais que ce côté honorable pour les êtres humains, ce n'est pas de nous à nous, entre nous, entre êtres humains. C'est Allah dans ce verset démontre comment l'homme a été élevé par rapport aux autres créatures sur terre. Maintenant, ce verset n'est pas à prendre comme preuve pour dire qu'il faut respecter le kafir. Taïeb. Et l'autre verset qu'on vient de citer là. Fabima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fadhdan ghaliz al-qalb lam qaddu min hawlik. Ça c'est ce n'est que par miséricorde d'Allah que tu étais doux envers eux. Et que si tu avais été dur et rude, il se serait enfui de ton entourage. Cette douceur que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est parmi les privilèges accordés aux croyants. Et qui plus est, les mustaqimin, ceux qui sont droits, qui l'obéissent et qui suivent ses ordres. Naam. الآن نأخذ مما هو من أقوالهم الخبيثة الباطلة الكفرية هو الاعتراف بحرية المعتقد أخذا بقوله تعالى لا إكراه في الدين وأيضا في قوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Qu'ils appellent à la liberté de croyance. Que tu es libre de croire ce que tu veux. Prenons pour cela comme ce qu'ils imaginent être une preuve. Hein? La parole d'Allah dans le sens où il dit nulle contrainte en religion. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Et également la parole d'Allah dans le sens où il dit « Et proclame la vérité de ton Seigneur ou de votre Seigneur. Celui qui veut croire, qu'il croit. Et celui qui veut m'y croire, qu'il m'y croit. » Donc eux, ils prennent ces versets-là pour dire que tu es libre de croire ce que tu veux. Qu'on ne peut te contraindre à l'islam. Donc eux, ils voient qu'il t'est permis d'être mécréant si tu le souhaites. Cela t'est permis. Et qu'il t'est permis d'être musulman si tu le souhaites. Que l'être humain a le choix. Il prend la religion qu'il veut. Il suit la religion qu'il veut. Et cela amène à quoi? Cela, celui qui pense cela, sera amènerait à dire que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Car comment tu dis que Allah te laisse le choix et que tu as le droit de choisir autre chose et qu'à la fin tu es en enfer et que tu seras châtié? Donc cela est incohérent. Celui qui pense que Allah t'a rendu licite le fait de choisir une religion autre que l'islam, là pourquoi à la fin tu seras châtié si cela t'est permis? Cela est injuste. Tu comprends? Cela est injuste. Et ce Qur'an-là, cette parole-là, est pire que la parole des Jibriya. Les Jibriya, c'est une branche des Qadariya. Ils disent que l'être humain est contraint de faire ce qu'il fait, qu'il n'a pas choisi, qu'il est forcé. Tout ce que tu fais, c'est par contrainte. Tu n'as pas le choix, que Allah t'a imposé d'être comme tu es. Et Andy, il renie le libre choix chez l'individu. D'accord? Que celui qui, par exemple, demain, il a tué quelqu'un, eh ben, il était contraint à tuer la personne. Il n'a pas eu le choix. C'est pas lui qui a choisi. Il est mujbar. Par Allah. C'est Allah qui a voulu qu'il tue un tel, donc il l'a tué. Donc on ne peut le juger pour ce qu'il a fait. Donc cette parole-là de Hudayt al-Irtiqad, qu'il t'est licite de choisir ce que tu veux, cela est pire que les Jibriya. Car cela reviendra à dire qu'Allah il est injuste. Il va te châtier pour une chose qui t'est permise. Et cela également emmènerait à enfreindre le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que Allah t'aurait créé pour autre chose que son adoration. Vu que tu as le choix. Avec ce genre de paroles, le Coran et les ordres d'Allah, les obligations, n'ont plus de sens. Tout ce qui est obligatoire n'a plus de sens et ce qui est interdit n'a plus de sens. Pourquoi? Car tu as le choix de choisir. Donc pourquoi t'obliger à faire une chose si tu as le choix? Pourquoi te menacer d'un châtiment si tu as le choix et qu'il t'est permis de choisir autre chose? Cela emmène à quoi? À l'anarchie même. Tu fais ce que tu veux. Tu as le droit. Là, pas la démocratie. L'anarchie, c'est autre chose. Non, la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Si la majorité l'emporte, tu feras ce que la majorité veut. Ah, mais Hudayt al-Irtiqad. Ah, c'est pas la démocratie, ça. C'est autre chose. Hein? La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Par exemple, demain, dans un pays, d'accord, on dit que, allez, 60% du peuple veut, par exemple, que le pays soit un pays chrétien et que tout le monde suive les lois du christianisme. Eh bien, tu seras imposé de suivre les lois du christianisme. Tu suis la majorité du peuple. C'est le peuple qui décide par lui-même. Démocratie, au final, on t'impose quelque chose. Choisi par la majorité. Ce n'est pas tu fais ce que tu veux. C'est le peuple qui décide de lui-même. Le jugement revient au peuple. Donc, ils vont juger quelque chose, le peuple. Des choses qu'ils vont accepter, d'autres qu'ils vont refuser. C'est pas tu fais ce que tu veux en démocratie. Si on te laisse dire ce que tu as à dire lors du choix. Mais une fois que le choix il a été fait, halas, on marche à la majorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parti différent, parti politique. Que chacun veut arriver avec son avis. Donc, lors du Parlement, tout le monde dit ce qu'il a à dire. Tu as le droit de dire ce que tu as à dire. Et toi, et toi, et toi, à la fin, on se concerte entre nous, on voit, et on dit que cette parole-là est la parole qui est la plus acceptée par le peuple, donc on prend cette parole-là. Les autres, délaissés. Dans le sens, elles ne sont pas appliquées. T'es respecté, t'es écouté, mais ce que tu as décidé, on n'accepte pas. Demain, t'as une suggestion à faire, on t'écoute. On propose au peuple, ils veulent, vous voulez ça? Non, ils ne veulent pas. Khalas, c'est fini. As-tu autre chose à proposer? Tu comprends? Hein? T'as compris maintenant la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est Hukm al-Sha'b Nafsihi bi Nafsihi. Le peuple qui se dirige lui-même. Ils vont choisir quelque chose sur lequel tout le monde devra marcher. Donc cette idée amène à rendre les criminels et les prophètes sur un même piédestal. Car tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, où est l'avantage d'un messager et d'un prophète? Si il t'est licite de choisir ce que tu veux. Pourquoi tu l'as envoyé alors? Donc, ce prophète et ce criminel, pour ces gens-là, cela implique leur, ce qui implique de leur parole, ils sont égaux. Au final, ils seront égaux. D'accord ? Car le prophète a choisi, lui, la foi en son Seigneur, et le criminel a choisi, lui, le tarout ou autre chose. Et il a droit dans leur vision des choses. Il a le droit, ça lui licite. On ne peut le blâmer, on peut le contraindre. Donc cette idéologie est une idéologie mécréante, bien entendu. Interdite. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a créé pour son adoration. Il a fait descendre les livres pour cela. Il a envoyé les messagers pour cela. Donc on n'a pas le choix. On l'a cité déjà. Le libre choix est en toi. Tu peux, toi, dire je ne veux pas. Mais ce choix que tu auras fait est interdit à la base. Tu seras châtié pour cela. En cette dunya, tu auras fait ton choix. Tu veux le kufr, okfur. Mais crois. Mais si tu m'écrois, il t'arrivera telle et telle chose. Tu comprends ? Et que ta mécréance est un péché sur toi. Comptez comme un péché. Mais dans cette dunya, tu as tes deux mains. C'est-à-dire ton libre choix, t'en fais faire ce que tu veux avec. Tes yeux, ton libre choix t'amène à regarder ce que tu veux avec. Tes oreilles t'amènent à écouter ce que tu veux avec. Personne ne peut prendre ton oreille et te la boucher. Prendre tes yeux, les tourner à droite ou à gauche. On ne peut pas faire cela. Ce qu'on peut te faire, c'est t'avertir. Si tu fais ça, tu auras ça. Par contre, si tu fais avec tes yeux, tu regardes telle et telle chose, tu seras récompensé. Et si tu regardes telle et telle chose, tu seras châtié. Tu as le choix. D'accord ? Mais ton choix t'avertit. Tu le paieras. Tu en paieras les conséquences. Alors que pour eux, non. Tu veux croire, crois, c'est ton choix. Tu veux croire, mais crois, c'est ton choix. Et nul ne blâme sur toi. La ikraha fid din, comme cela va venir. Nul contre ton religion. Donc cette croyance amène à abolir la religion dans sa totalité. Il n'y a plus de distinction entre les bons et les mauvais. Entre les croyants et les mécréants. Nous sommes tous, hein, libres de choisir et notre choix nous est licite. Notre choix les est licite. Enfin, on leur appelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là. Wa man yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Que celui qui recherche une autre religion que l'islam, elle ne le sera point accepté, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Wa qawluhu ta'ala inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. Que certes que ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers et qui veulent diviser entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains, nous mécroyons en d'autres et qui veulent prendre entre ceux-là une voie intermédiaire, ceux-là sont alors les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Le verset est clair ou pas ? Il est clair. Que celui qui mécroit aura un châtiment avilissant. قوله تعالى كذلك من الأدلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا. Qui ne revient pas à un croyant, une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété quelque chose, d'avoir le choix dans leur affaire. Et que celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Ces versets ont déjà été cités dans le douze précédents, et ils se répètent. Car tu peux prendre un verset pour ordre à des un nombre indénombrable de sujets. Un verset n'est pas forcément applicable sur une mas'ala. Prendre un verset, ce n'est pas une mas'a'il. Donc il se répète. Naam. Il se répète. Car la vérité n'est qu'une, et le mensonge multiple. Donc tu peux prendre une vérité et démentir plein de mensonges avec une seule vérité. Donc là, قال l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fi tafsir adil aya. Il dit que les croyants et les croyantes n'ont pas le choix. Une fois qu'une affaire est décrétée auprès d'Allah et son messager. Il dit, rahimahullah ta'ala, فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا. Ce verset est général dans toutes les choses, dans tous les domaines. que si Allah et son messager ont émis un jugement, qu'il ne revient à personne de s'y opposer, ni d'avoir le choix. Fa wala ray wala qawl, pas d'avis, pas de parole qui s'y oppose. Comme a dit Allah Ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et que par ton Seigneur, ils ne croiront pas, tant qu'ils ne t'auront pas fait trancher dans leur litige, et qu'ensuite ils ne trouvent aucune gêne de ce que tu auras jugé, et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc cela, quand on dit la foi, de ne pas prendre le messager comme juge, c'est-à-dire la sunna. وكما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Que par mon Seigneur, aucun d'entre vous ne croira réellement tant que ses passions ne seront pas en concordance avec ce avec quoi je suis venu. Le hadith à la base il est faible, mais le ma'ana sahih, le hadith daif. Le sens il est authentique. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. C'est pour cela que Allah, sur ce point-là, a été strict, que celui qui désobéit à Allah son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. كفي قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde également ceux qui s'opposent à son ordre de n'être atteint par une fitna ou un châtiment douloureux. Donc attention au fait de s'opposer à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment appeler après cela à l'indulgence envers ces gens-là, en prenant comme preuve pour eux dans leur vision des choses لا إكراه في الدين, nul contrainte en religion. Donc le Sir cite à la parole de Shanqiti ce verset في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكراه أحد على دخول في الدين. Donc il dit, nul contrainte en religion, certes, la voie droite a déjà été distinguée de l'égarement, du faux. Que ce verset en apparence démontre qu'on ne peut contraindre quiconque à rentrer en religion. Également il dit, وَنَذِيرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Également un verset similaire qui dit, dans le sens, vas-tu donc contraindre les gens, toi, les forcer, pour qu'ils soient croyants? Wa qaluhu ta'ala, fama arsalnaka 'alayhim hafiza in 'alayka illa al-bala'. Et nous ne t'avons pas envoyé comme pour assurer la sauvegarde, mais juste pour transmettre. Ces versets en apparence laissent croire qu'on ne peut contraindre qui que ce soit à rentrer en religion. Fa qad ja fi ayatin kathira ما يدل على إكراه الكفار على دخول في الإسلام بالسيف كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. Que plein de versets sont venus pour démontrer justement qu'il faut contraindre les kuffars à entrer en islam par l'épée, par la force, comme dans la parole, dans le sens où Allah dit vous les combattrez ou alors ils se soumettent, ou vous les combattez ou alors ils se soumettent. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire le shirk. De shirk. Fitna ou na mana shirk. Et également, il est venu comme hadith, comme tu connais d'Ibn Omar, qu'on a déjà cité. Umirtu wa nuqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. J'étais ordonné, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait pas de divinité ni de t'adorer, ce n'est Allah. Al-hadith. Donc, le shirk dit wal jawabu an hadha bi amrayn. La réponse à cela sur deux points. Le premier est qui est le plus authentique. Le premier des deux points est qui est le plus authentique. Wal asah. Que ces versets, la ikra fi din, sont spécifiques aux gens du livre. C'est-à-dire que avant que ne descendent les versets du combat, on ne pouvait les contraindre à rentrer en islam. Non. Après, il va expliquer maintenant. Non, justement, il dit, comment ça, maintenant, il y a ce verset-là qui dit d'accord avec Fiddin, et d'autres versets qui viennent pour dire qu'il faut les contraindre. Donc, comment expliquer maintenant? Comment lire entre les deux? Il dit la réponse sur deux points. Premier, que ce verset-là, la ikra fi din, est propre aux gens du livre. Avant que ne descendent les versets du combat, du jihad. Qu'on ne peut lier contraindre dans l'absolu. Et cela, s'il donne également la jizya, l'impôt légal. Alors qu'ils sont habilés. Ah, c'est l'une des réponses. Non, c'est le premier point toujours. Non. Donc parmi les preuves qu'il cita, démontrant justement que ce verset est spécifique au genre du livre, ما أخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله تعالى لا إكراه في الدين. Ce que Ibn Jarir a sorti selon Qatada avec deux isnad dans la part d'Allah, dans le sens où il dit du content en religion. Il dit أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الإسلام ولا يكره عليه أهل الكتاب إذ أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. Donc il dit que les Arabes, eux, à la base, étaient une communauté illettrée. Ou plutôt, une communauté qui n'est pas de livre. N'est pas de livre. Donc, la chose qui leur était imposable, c'était l'islam. L'islam. Par contre, les gens du livre, eux, s'ils reconnaissent la jizya, on les délaisse. On ne peut les forcer à entrer en islam. On les laisse vivre. Mais ils paient la jizya et ils sont avilis. C'est-à-dire qu'ils se soumettent aux lois. Alors que les Arabes, les mouchtikoun, les autres, non. Car à la base, elle est équitable. À la base, ils ont un livre, mais qui a été falsifié. Alors que eux, les mouchtikoun, ils n'ont rien. À la base, ils viennent de Milat al-Ibrahim, mais depuis longtemps. Ils ont oublié la plupart des choses. Ça va venir, Inch'Allah. Il y a un taux à dire qui va venir par rapport à ça. Également, parmi les preuves, ce que a rapporté Ibn Jarir, selon Ad-Duhak, fait qu'Allah Ta'ala toujours, la ikraha fi din. Umira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yuqatila jazirat al-Arab min ahli al-Awthan falam yuqbal wa lam yaqbal minhum illa la ilaha illallah wa aw as-sayf thumma amara fi man sawahum an yaqbalu minhum al-jizya faqala la ikraha fi din qad tabayyana ar-rujd min al-ghayy. Toujours par rapport à ce verset, ce qu'Ibn Jarir a rapporté de Duhak, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de combattre, il lui a été ordonné de combattre les idolâtres dans la péninsule arabique. Et qu'il accepte d'eux que la shahada, la ilaha illallah, ou alors l'épée, soit le combat, soit la shahada. Et qu'en dehors d'eux, qu'il accepte la jizya, c'est-à-dire les gens du livre et les majous. Comme cela va arriver dans la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, في قوله تعالى لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطي أهل الكتاب وأعطى أهل الكتاب الجزية. Que ce verset se rapporte lorsque les gens sont entrés en islam et que les gens du livre ont donné la jizya. Là, on ne les force pas. On paye la jizya, on ne les force pas. Mafoumada ? Donc ça c'est un point. Que ce verset est propre à qui est aux gens du livre. S'ils payent la jizya. Deuxième point, الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Donc le verset est abrogé par les versets de quoi? Du combat. Comme la parole d'Allah dans le sens où il dit, et que si jamais les mois sacrés se terminent, alors combattez, tuez les mushrikin. الآية ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة وسورة براء من آخر ما نزل بها والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد ابن أسلم. Donc il est connu que la sourate al-Baqara est parmi ce qui est descendu en premier à Medina. Donc cette abrogation a été rapportée par qui? Par Ibn Mas'ud et Zayd ibn Aslam. Eux voient que c'est le verset Ilayka Rafidin est abrogé. Et l'autre, c'est le call de qui? Ibn Duhak, Ibn Abbas et Qatada. Non, que cela est propre à eux, s'ils paient la jizya, mais que les autres, ils auront droit à les payer seulement. Donc, quoi qu'il en soit, il dit, j'ai enquêté, que les versets du combat sont descendus après les versets citant l'Ilayka Rafidin. Donc, ce qui vient après prédomine ce qui est venu avant. Bien entendu. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. La science revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première shubuhat. L'Ilayka Rafidin. Deux calls. Premier, c'est juste pour les gens du livre. S'il paye la jizya. Deuxième call, ce verset a été abrogé par les versets du combat. Car ils sont venus après. Donc l'Ilayka Rafidin n'est pas une preuve pour eux pour dire que on ne contraint pas les koufars à rentrer en islam. Si on les y contraint. Par la da'wa, on les y appelle, s'ils acceptent, marhaban bihim, sont nos frères. Ils refusent, on les combat. Taïeb. Maintenant, la shubuhat de la deuxième verset, hein, qui était wa qul al haqqu min rabbikum faman shafa falyu'min wa man shafa falyakfur. Le shir cita la parole d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sur ce verset. Dites la vérité de votre Seigneur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il m'écroit. Donc là, il dit, Ibn Kathir, rahmallahu ta'ala, Yaqulu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, que Allah dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, Waqul ya Muhammad linnas, Muhammad dit aux gens, Hadha alladhi jittukum bihi min rabbikum wal haqq alladhi la lamirata fihi wa la shak, faman shafa liyumin wa man shafa liyakfur. Donc dit Muhammad, ce avec quoi je suis venu auprès de vous, provient de votre Seigneur. C'est la vérité, ne laissant aucun doute, que celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Et que cela, هذا باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها. Donc il dit quoi? Que ce verset est venu en fait en guise de menace, de défi. On te menace justement. Crois ce que tu veux, mais tu seras sous la menace. D'où Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite dans le verset, il dit quoi? Dans le sens que nous avons certes préparé pour les injustes, c'est-à-dire les koufars, un feu qui va les en... Ah? Non, mais c'est mélangé entre le verset et la parole du Mekafir. Comme tu vois, c'est enchevêtré. Dit le verset, après il parle. Dit le verset, après il parle. Ça s'entremêle. Le verset tout seul, c'est « Man shafa liyumin wa man shafa liyakfur. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. » Là, c'est le verset. Mais lui, il coupe. Et entre chaque parcelle du verset, il parle. Donc, il dit que ce verset-là est venu justement. C'est un défi, c'est une menace. Que Allah, après dans le verset, il dit quoi, comme nous l'avons cité? Justement, il a préparé un feu qui va les entourer de toutes parts. Pour qui? Les zalimines. Et qui sont les zalimines? Les koufars. Donc, tu veux m'écroire, mais quoi? Mais qu'après, il y a un feu qui t'attend. Qui va te cerner de toutes parts. Il cite également la parole de Al-Qurtubi. Donc là, ça arrête la parole de Ibn Kathir. Vous voyez, Ibn Kathir, la parole s'arrête là. Ensuite, il poursuit en citant la parole de Al-Qurtubi dans son tafsir. Toujours du verset Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Il dit quoi? Au début, Ibn Qurtubi, il donne une faïda lu'awiya qui n'est pas traduisible. Ensuite, il dit que le sens du verset, c'est « Dis au Mohammed, à ceux-là dont on a rendu le cœur attentif à notre rappel, ô vous les gens, voici la vérité de votre Seigneur. Hein? » Et c'est par lui qu'est la réussite. Ou l'abandon. Et que dans sa main, il a guidé ou l'égarement. Qu'il dit, il guide qui il veut, donc cette personne-là croira. Et qu'il égare qui il veut, cette personne-là me croira. Et que cela ne me revient pas à moi. C'est-à-dire Mohammed, ça ne me revient pas à moi. Et que Allah donne la vérité à qui il veut, même s'il est faible. La vérité, Allah la donne à qui il veut. Et qu'il la prive à qui il veut, même si c'est quelqu'un qui est fort et qui est riche. C'est Allah qui donne à qui il veut. Donc moi, je ne peux renvoyer et refouler les croyants pour vos passions à vous. Je ne peux rejeter les gens pour vous, pour vous faire plaisir. Je ne peux le faire. Donc si vous voulez croire, croyez. Vous voulez me croire, me croyez. Cela vous revient, mais vous en subirez les conséquences. Donc cela n'est pas une permission ou un libre choix, ou du moins on va dire un choix licite, entre la foi et la mécréance. Mais que ça justement est une menace. Si vous me croyez on vous a préparé un feu. Et si vous croyez, on vous a préparé un paradis. Fin de parole d'El Qurtubi. J'ai traduit directement pour pouvoir raccourcir, parce qu'après, il y a encore une faïda à donner par rapport à la jizya. C'est comme si demain, quelqu'un te dirait, par exemple, si les gens veulent comprendre, là, tu as une route à prendre de nuit, d'accord ? Tu as une voiture là, par exemple, qui n'a pas de phare. Mais on te dit comment la conduire. On te dit, conduis doucement, roule encore dans la file la plus lente et roule tout droit. Et fais attention. On t'explique. Maintenant, on te dit avant de partir, quelqu'un te met une bouteille de vin, un café, parce que c'est la nuit, pas que tu dormes au volant. Vous voyez, un café. Là, tu as un café noir sans sucre, corsé. Pourquoi ? Avoir les yeux bien ouverts, soyez veillé que tu conduises bien. Parce que la route est dangereuse. Et le but, c'est d'arriver à destination. L'autre, on te dit, la route, elle est longue, elle est ennuyeuse pour toi, celui qui est inattentif. Tu as de l'alcool là pour passer le chemin plus vite. Mais attention, tu bois l'alcool, tu vas être enivré, tu n'as pas de phare, tu vois rien, donc tu risques un accident. Choisis, mais tu assumes ton choix après. Donc celui qui a un cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Qui tient à sauver sa vie, qu'est-ce qu'il va faire ? On dit, c'est là, c'est devant toi. Personne n'est là pour te prendre ta main et te forcer à prendre le café. T'as le libre choix, t'as tes mains, ça bouge toute seule. Avec tes cinq doigts. Tu tends ta main, bois ou le verre de café pour rester éveillé et rouler, ou le verre de vin pour être ivre et partir en vrille sur la route. Choisis. Maintenant, est-ce que maintenant ça veut dire que quoi ? Ton choix là, quoi que tu fasses, tu ne seras pas blâmé ? Si tu prends un verre de vin et tu prends la route avec la voiture sans phare, la nuit, tu vas pas te faire blâmer par les gens, on va dire mais t'es malade toi, tu es fou. Bien sûr qu'on va te blâmer pour ça. Ce choix-là, il est irréfléchi. Il est absurde. C'est de la folie. Tu comprends ? C'est une comparaison juste. Hein ? Bab al-Taqrib, la femme, c'est tout. C'est juste une façon pour que les gens comprennent. Hein ? Tadrib al-Amfal, dans le Coran, il y en a plein des exemples. Pour que la personne, elle comprenne. Là où on veut venir. C'est pas on égalise entre les deux choses. Tu dis que ça, c'est égal à ça. Comment tu vas réfléchir ? C'est tout. C'est un taqrib pour la réflexion en soi. On te dit maintenant. Celui qui croit l'aura le jannah, celui qui mécroit l'aura l'enfer. Choisis, mais après t'assumes. On ne te dit pas que c'est licite ton choix. Ton choix il est illicite. Mais personne ne peut te contraindre entre ton cœur et te mettre la foi. Ça revient à toi, ça revient à Allah en premier, et à toi le choix que tu veux faire. Donc leur verset, aucune hujja pour eux. La ikra fi din, wala fa man sha fa yu'min wa man sha la fa yakfur. Pas de dalil pour eux là-dedans. Nullement. Taïeb. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, par rapport à l'Ikra fi din, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les mufassirun, yani le sens, c'est une information, c'est un khabar, l'Ikra fi din. D'accord ? C'est une information qui vient avec un sens d'interdiction. Qu'on ne peut contraindre les gens à entrer en islam. Pour celui qui ne le veut pas. Car on t'a exposé la chose. Le Rujd, qui est la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'est exposé. Ou le Ghey, qui est la religion de Abu Jahl, t'es exposé. On ne te force pas, on te montre. Tu as le choix entre ça et ça. Donc le Rey, c'est la religion de Abu Jahl et des Mouchitekoun, ceux qui adorent les idoles. Hein, les alliés, on va dire les Aulia, et les anges, et les prophètes, ainsi de suite, qui adorent autre que Allah. Donc, il dit, le Shir, que ceux-là lui voient le premier choix. Ceux-là étaient avant. Il voit le deuxième choix, lui. Que cela était avant quoi ? Le jihad. D'accord ? C'était avant le jihad. Car après le jihad est venu pour combattre tous les mouchriquins, même les gens du livre. Hein ? Hormis pour ceux qui payent la jizya. Parmi les gens du livre. Et les majous. En étant avilis. Les majous, c'est qui ? Eux disent les mages, mais bon. Les majous, c'est ceux qui adorent le feu. Et qui voient également qu'il y a deux créateurs. Le bien et le mal. Deux forces. Le bien et le mal. Al-Nur wa al-Zulumat. Al-Khayl wa al-Shar. Ils croient en ça. Donc ces gens-là, les majous et les al-kitab, on ne les combat pas. S'ils paient la jizya. La ikra fi din. Comme encore le ta'ala, hatta yu'tu jizyata an yadim wa hum saghirun. Hein, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, hein, et qu'ils sont avilés. C'est la tauba. Et que cela a également été, bien sûr, affirmé dans la sunna. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la jizya. Quant aux autres, ce qui est obligatoire, c'est de les appeler à l'islam, ou sinon, on les combat. Il n'y a pas de jizya pour eux. Et le dalil, c'est quoi ? Les preuves citées déjà auparavant sur l'obligation du qital. Vous êtes saraha al-ashhurul hurum, faqtulul mushrikeen haythu wajadtumuhum, wa khudhuhum, wa ahsuruhum, wa qu'udu lahum kulli marsad. Fa in taabu wa aqamu salata وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Que si jamais les mois sacrés se finissent, alors tuez les mouchriquines où que vous les trouviez, hein, et prenez-les et encerclez-les, et coupez-leur tout chemin. Et que si jamais, par contre, ils se repentissent, qu'ils font la salat et donnent la zakat, alors laissez-les passer, laissez-leur libre champ. Et que certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ils n'ont pas le choix de rester sur leur religion. Ce n'est pas un choix qu'ils ont. Donc, Cheikh Ibn Baz, il voit que le verset, lui, c'était avant que ne vienne le verset du combat. Et qu'il voit la vie qui est que la jizya, c'est pour Al-Kitab ou Al-Majus. Cheikh Al-Fawzan, par rapport à ce verset, des paroles similaires, par contre, lui, il a apporté un tambih qui m'a fait voir dans la mas'ala. Il dit que la jizya, c'est pour tout le monde. Que la jizya, ce n'est pas que pour Al-Kitab. C'est pour tous les kuffars. Et cet avis-là, je ne le connaissais pas. Donc les autres audios précédents qu'on parlait d'Al-Kitab, c'était l'avis que je connaissais avant. Et c'est l'avis qui est connu de tous, par rapport au verset. Hein? Dans le Tawbah, ce qui était dedans, c'est Al-Kitab. Et les Majus, c'est venu dans un hadith. Donc on avait des adillah khassa. Tayyib. Donc là, Cheikh Fawzan, il dit non, qu'il y a un khilaf dans la masse Allah par rapport à la jizya, et qu'en fait, la vie le plus prépondérant, un rajih, annaha, il jamia al kuffar. Pour tous les kuffars. Donc là, je suis parti voir dans Fath al-Allam, de Cheikh Ibn Hizam, il évoque le khilaf, et démontre que la vie le plus fort, c'est qu'elle est pour tout le monde. Donc là, on va prendre vite fait ce qui est évoqué comme khilaf, avec à la fin le tarjih. Donc il dit, masse Allah, Arz el jizya min el kuffar. Le fait de prendre la jizya n'est pas légal des kuffars. Il dit, les gens du livre, eux, les juifs et les chrétiens, qu'elle a accepté d'eux sans aucun khilaf. Il n'y a pas de khilaf pour eux. Et leur preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawm al akhir, wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, wa la yadinuna din al haqq min alladhina utu al kitab hatta yu'tu al jizyata. Le verset qu'on citait tout à l'heure. Hein? Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui ne rendent pas illicite ce qu'Allah a rendu illicite son messager et qui ne suivent pas la religion de vérité. Parmi ceux qui ont lu le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent l'impôt légal alors qu'ils sont avilés. C'est le verset. Il dit bien Minel ladina ou tout le kitab. Après, il dit quant aux majous, également, elle a accepté d'eux, la jizya, les majous. Comme cela vient dans le hadith de Abdurrahman ibn Auf fi Sahih al-Bukhari qui dit "Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhadha al-jizyata min Majusi Hajar." Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et a pris la jizya des Majus de Hajar et qu'il y a eu un ittifaq par rapport à cela. Qu'il y a eu un khilaf chez les gens de Abu Hanifa par rapport aux Majus, eux ils différencient entre les Majus des Arabes et les Majus des Arjam qui ne sont pas Arabes. Ça c'est un autre sujet. Après le Hafiz, il dit حكى ابن التين عن عبد الملك انها لا تقبل الا من اليهود والنصارى فقط. Que ابن التين, selon ابن مالك, il dit que la jizya n'est acceptée que des juifs et des chrétiens, c'est tout. والصحيح انها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل. Et comme ce qui est authentique, c'est que la jizya est acceptée des majus, comme cela est venu dans Sahih Bukhari, selon Abdurrahman ibn Auf. Ensuite, les fuqaha, ils ont divergé par rapport au fait de prendre la jizya des autres, des mouchriquines, parmi les idolâtres, les kuffars, est-ce qu'elle l'a accepté d'eux ou pas? Donc Ahmed et Shafi'i, ils disent, Ahmed dans une version, qu'elle n'est pas acceptée. Ils voient les versets justement du combat. Faktulu mushrikin. Et ils combattaient les mushrikin. C'est tout. Il n'y a pas de jizya sur les combats. Wa qawluhu ta'ala, wa qatilu al-mushrikin kaffa, kama yuqatilunakum kaffa. Et combattez les mushrikin dans leur intégralité, tout comme eux vous ont combattu dans votre intégralité. C'est tout, combat. Également le hadith qui prennent comme preuve, Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Le hadith d'Ibn Omar, qui m'a été ordonné de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré, ce n'est Allah. Par contre, qu'elle a accepté juste des gens du livre, par rapport aux, et des majus, par rapport aux preuves précédentes. Ensuite, Abu Hanifa et Ahmed, dans une autre version de Ahmed, dit que la jizya acceptée de tous les koufars, sauf ceux qui adorent les idoles parmi les arabes. Juste eux, c'est pas accepté. Exception faite pour les wasaniyin, abarat al-awfan, min al-arab. Ensuite, Malik et al-Awza'i, ainsi que les fuqaha du Sham, disent que la jizya est acceptée de tous les koufars, hormis des apostats, ce qu'on apostasie. Il est manirtad. Car le murtad, c'est quoi son hukm? Noctulo. Man badala dinaou, faktulo. Celui qui change sa religion, alors tuez-le. Exécution, c'est tout. Peine de mort. Qale, wa hadha al-qawl rajjahahu Ibn al-Qayyim wa Sanani wa Shawkani wa istadallu bi hadith Buraydah alladhi fi al-Ban. On va lire. Donc lui dit que l'avis qui était pris comme juste, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim. Cet avis-là a été rendu comme étant prépondérant par Ibn al-Qayyim, Sanani et Shawkani, en prenant comme preuve le hadith de Buraydah qui est dans le Ban. C'est quoi le hadith? Le hadith mahu عن سليمان ابن بريدة عن أبيه الحديث أخرجه مسلم الحديث اللي جسدته بعده dans des audios précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mettait un chef en tête d'une troupe l'exhortait à la crainte d'Allah ainsi que les autres croyants les autres muslims parmi eux ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إذا لقيت ولقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال. Donc il dit combat au nom d'Allah sur le sentier d'Allah et combattez ceux qui ont mécru en Allah. Combattez wala tarullu. Et dans un autre audio je me suis trompé, j'avais dit la tarlu, n'exagérez pas, en fait c'est la tarullu, saccagez leur bien injustement parce que le butin après faut partager. Wala tardilu, c'est ne trahissez pas, ne trompez pas. Wala tumathilu, on avait dit quoi? De pas mutiler pour faire exemple, de torturer. Ne pas tuer les enfants, et que si tu rencontres ton ennemi, alors il y a trois étapes. Ayyatahunna ajabuka ilayha faqbal minhum wa kuf anhum. Et à chaque fois qu'ils acceptent, hein, accepte d'eux et délaisse-les. Laisse-les. Ud'uhum ila l'islam, appelle-les à l'islam. Fain ajabuk faqbal minhum. Donc si jamais ils appellent à l'islam, qu'ils acceptent, laisse-les. Thumma ad'uhum إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة ولا الفي شيء إلى أن يجاهدوا مع المسلمين. Donc il dit quoi? Si jamais ils acceptent alors qu'ils sont en train d'islam, dis-leur qu'ils se déplacent en terre des muhajirin. Donc ça c'est encore un dalil de quoi? De la hijra. Et que si jamais ils refusent de faire la hijra, alors dis-leur qu'ils sont comme les autres bédouins des Arabes, hein, qui n'auront rien comme part dans le butin, ni dans le fey. C'est quoi le fey? Appelle le fey, c'est quoi? Ah, c'est pas le. C'est l'accord. Ce qui a été pris sans guerre, sans combat. C'est... Ouais, c'est... Ce que l'ennemi t'a donné, ce que tu as pris pacifiquement, sans guerre, sans combat. Et si Yamil refuse, fein abaou, fassel hum el jizya. Et s'il refuse, alors demande-leur la jizya. Ala wa shahid. Et c'est qui dont il parle là? Il parle au début Adouwak min al-mushrikin. Ton ennemi parmi les mushrikin. C'est pas précisé. El kitab, Omar, juste quoi? C'est mushrikin. Fain ajabuk faqbal minhum. Mais si jamais ils te répondent favorablement, alors accepte de la jizya. Fain abou fasta'in billah ta'ala wa qatiluhum. Et si jamais ils refusent, alors recherche de l'aide auprès d'Allah et combat-les. Ma fouma là. Donc ce verset, ce hadith, c'est une preuve que tu veux l'apprendre de tout le monde. Car il n'y a pas de tarsis par rapport à l'Al-Kitab. Et là, on va aller vite faire la parole de Nukayim pour finir. Lorsqu'il dit, dans Zed al-Ma'ad, dans le 5e volume, page 91, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris deux, c'est-à-dire des majous. Le fait qu'il ait pris des majous, c'est une preuve qu'il ait pris de tous les mushrikin. Et que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas pris des idolâtres à son époque, car ils se sont tous convertis à la base. Et cela avant quoi? Que nous descende le verset de la jizya. Et que ce verset descend du camp après la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fini de combattre tous les Arabes à ce moment-là autour de lui. Tous, ou ils étaient morts, ou ils étaient soumis à l'islam. Donc il n'y a pas de jizya. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris d'eux. Également, qu'il n'a pas pris la jizya de qui? Des juifs qu'il a combattus. Car à l'époque, le verset n'était pas encore descendu. Mais lorsque le verset est descendu sur les chrétiens parmi les Arabes et des Majous, donc si à ce moment-là, il était resté certaines personnes parmi les idolâtres, des Arabes, il aurait pris d'eux. Tout comme il l'a pris justement de, des chrétiens et des majous. Et le fait de prendre justement des majous, il le dit Ibn Qayyim, que cela est un qiyas. C'est un qiyas par rapport aux majus, une comparaison analogique, qui font que les majus à la base, leur kufr, il est pire que les mouchriquins de Quraysh. Car les majus à la base n'ont pas de livre. Ils adorent le feu. Ils voient qu'il y a le bien et le mal comme seigneur. Alors que les mouchriquins de Quraysh, eux, sont à la base, ont des traces du dîn de Ibrahim alayhi salam. Les choses de l'argent d'Ibrahim étaient toujours en eux. Par exemple, ils ne voyaient pas les sites de fait de se marier avec les mères, ni les sœurs, ni les filles. Et d'où ils avaient pris ça? Min Milat Ibrahim, de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc à la base, ils viennent d'un livre, mais ils l'ont oublié, car il est lointain. Alors que les Majous, rien du tout. Et également les Majous, les mouchriquins de Quraysh, reconnaissaient leur boubiya et qui prenaient leurs idoles, pourquoi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme Shafa'a, Takarubani Allah. Alors que les Majous, eux, il n'y a pas de rububiyya. Eux, ils voient qu'il y a deux créateurs, deux seigneurs, le mal et le bien. Donc qui est pire des deux en kouf? Les Majous. D'accord? Les Majous. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des Majous, min bab awlas yakhudh min ghayrihim, min kuffar Quraysh. À plus forte raison, il a pris de quoi? Les autres. De Quraysh. Donc cela est une preuve qui démontre que la jizya, tu la prends de tout le monde. Et que ceux dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prise, c'est parce qu'à l'époque, le verset n'était pas encore descendu. Tout simplement. Et que devant lui, il ne reste que qui, une fois que le verset est descendu? Que les juifs, les chrétiens et les Majous. Et les autres, les Arabes, c'était fini avec les Arabes. Après, il reste les autres, les étrangers, les Ajams, parmi les Roms, parmi les Pharisiens, ainsi de suite, les Perses et autres. Mafoum hada, al-Faïda. Donc, l'avis le plus fort qui apparaît, Wallahu ta'ala alam, c'est que la jizya se prend de tous les kuffars. Fahim ta'ala? فبهذا قد نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام.